Lève ta main si tu as brisé tes chaînes. Lève ta main si sur Babylone tu dégaines. T'as dit mourir les affaires à Saint-Aignan. T'as dit mourir comme back again, missing again. Lève-toi et bats-toi, enfant de Jah. Bats-toi pour tes droits, enfant de Jah. Si tu sais que le très haut sera toujours là pour toi, faut que les Rastafari. Avant j'étais dans le badness, maintenant j'suis dans le righteousness. Et je me remis l'idée. Les Rastaman sont là depuis Foundation. Y'en a dans la city, y'en a dans le Zion. Ici pour la win, on nous emprisonne. La cool la win, nous c'est à méditer. Dis-moi pourquoi les Rastaman en France ne se font pas respecter. Dis-moi pourquoi c'est un DJ manque de respect envers sa majesté. Manque de respect envers les Antillais. Et sa vague, c'est nous les inventeurs du reggae. Africa nous appelle, on va y aller. T'as des morts pour c'est la CIA et revient pour chanter. Lève-toi et bats-toi, enfant de Jah. Bats-toi pour tes droits, enfant de Jah. Si tu sais que le très haut sera toujours là pour toi, pour que les Rastafari, Rastafari. Lève-toi et bats-toi, enfant de Jah. Bats-toi pour tes droits, enfant de Jah. Si tu sais que le très haut sera toujours là pour toi, pour que les Rastafari, Rastafari. J'ai besoin de prier et j'ai besoin de méditer. Et ça sera toujours avec toi, même si tes amis te laissent tomber. Et aujourd'hui, tes gens meurent parce que la viande contaminée, ils l'ont mangé. Je vais tuer Haïtal pour tous les quartiers. Babylone ne pourra plus nous empoisonner. Il a beaucoup de moyens pour subvenir à ses besoins. J'ai des soldats qui travaillent la nuit, qui travaillent le jour, qui travaillent tous les matins. Pour que Babylone ne puisse pas voir demain. Pour que le monde puisse sourire à tous les nains. Quand t'as pas la bonne sur tous les païens, t'as des morts, ils prennent les micros jusqu'à demain. Lève-toi et bats-toi, enfant de Jah. Bats-toi pour tes droits, enfant de Jah. Si tu sais que le très haut sera toujours là pour toi, pour prier Rastafari, Rastafari. Lève-toi et bats-toi, enfant de Jah. Bats-toi pour tes droits, enfant de Jah. Si tu sais que le très haut sera toujours là pour toi, pour prier Rastafari. Lève-toi et bats-toi, enfant de Jah. Bats-toi pour tes